Bonjour et bienvenue au TF Podcast, le podcast du thé féministe. Installez-vous, versez-vous une boisson chaude. Nous, sans surprise, c'est du thé. Allez, c'est parti. Bonjour Sarah, comment tu vas ? Ça va très bien, merci Laura. Et toi ? Écoute, ça va très bien également. Aujourd'hui, on va parler validisme 1.1, et plus précisément de psychophobie. Pour cette émission, je crois qu'il est mieux de prévenir directement qu'on va parler de choses parfois difficiles. Pour les personnes concernées, vous avez l'ensemble des content warnings et des trigger warnings dans la description du podcast à laquelle je vous renvoie. J'en profite également pour indiquer que le podcast est retranscrit à l'écrit. Le lien est dans la description, donc ça peut être plus facile pour vous d'accéder au contenu du podcast à l'écrit plutôt que d'entendre ce qu'on raconte. Sarah, est-ce que tu veux bien nous dire comment tu as choisi d'aborder ce sujet ? Bien sûr. Tout d'abord, on va faire une introduction un peu longue comprenant trois grands points. Ça va être un rapide rappel historique sur la manière dont la société a abordé la santé mentale au cours des siècles. Certaines définitions pour expliquer les termes validisme et psychophobie. Et quelques chiffres concernant la santé mentale. Ensuite, on verra comment la psychophobie s'exprime dans la culture, dans le système de santé, comment elle peut être intériorisée et s'exprimer dans nos relations avec notre entourage, et enfin, comment elle s'articule avec d'autres oppressions. Enfin, on fera un rapide tour d'horizon des idées préconçues à bannir, ainsi que des conseils pour être un ou une bonne alliée. Écoute, voilà un beau programme pour poser les bases de ces notions-là. Donc on va commencer avec un peu d'histoire. Comment la santé mentale, voire la santé au sens général, a évolué dans l'histoire occidentale ? Avant Hippocrate, la magie avait une très très grande importance dans l'étude du processus de la maladie en général, tant pour les douleurs physiques que mentales. Ensuite, à l'Antiquité, la théorie des humeurs et de leur équilibre dans le corps a été développée. Au Moyen-Âge, la magie est revenue en force et s'est pas mal mélangée avec la religion, ce qui a laissé une part de responsabilité importante au diable et aux possessions démoniaques. Puis, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les asiles ont été créés et ont été utilisés pour renfermer les marginaux, les SDF, les prostituées et par extension, à l'époque, ce qu'on appelait communément les fous. Au XVIIIe puis au XIXe siècle a vécu Philippe Pinel. C'était un savant français et un précurseur de la psychiatrie. Il a élaboré au cours de sa vie un nouveau concept pour l'époque qui est celui d'aliénation mentale. Il a aussi élaboré la notion de traitement moral qui constitue les premières ébauches de psychothérapie. Ensuite, Freud arrive et développe la psychanalyse en liant à peu près tout au sexe. Merci Freud. Beaucoup de gens sont encore bloqués sur ces théories et ne réalisent pas qu'on les a dépassés en majorité. Ah, Freud et les dégâts qu'il a causés et qu'il cause encore des décennies après sa mort. Du coup, de nos jours, comment on définit la santé ? Alors, qui la définit aussi ? Pour définir la santé, je me suis reportée aux définitions de l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS pour les intimes. L'OMS définit la santé comme l'état de complet bien-être physique, mental et social. Ça ne consiste aucunement en une absence de maladie ou d'infirmité, en fait. Donc, on a une définition positive de la santé. C'est une bonne nouvelle. Oui. Oui, c'est une très bonne nouvelle, en effet. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on est en bonne santé, en tout cas. C'est beaucoup plus nuancé que ça, en fait. Et je suppose que pour la santé mentale, on a aussi une définition ? Oui, justement. Alors là, c'est pas tellement une définition, c'est plutôt une orientation que propose l'OMS. Donc, l'OMS promeut le bien-être, la prévention des troubles mentaux, ainsi que le traitement et la réadaptation des personnes atteintes de ces troubles. Et puis, il y a aussi une définition que donne l'OMS au terme « handicap ». Le handicap est défini comme une limitation d'activité et une restriction de participation subie dans son environnement. Le terme « subi » est super important. En fait, ça montre bien que le handicap est créé par l'environnement et par une société qui n'est pas adaptée à la personne non valide. Donc ce n'est pas la non-validité qui définit le handicap. Ce n'est pas du tout la même chose. Du coup, pour reformuler, si je comprends bien, une personne non valide n'a pas nécessairement un handicap. Absolument. Une personne non valide, c'est une personne qui n'a pas un fonctionnement physique ou mental typique dans ce qu'on appelle la norme. Et ce fonctionnement atypique peut constituer un handicap, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Du coup, pour arriver aux définitions de notre sujet, le validisme, qu'est-ce que c'est ? Le validisme, c'est la discrimination subie par les personnes non valides. D'accord. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les personnes non valides au niveau mental. On fera sans doute une autre émission sur les personnes non valides au niveau physique. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les personnes non valides au niveau mental et qui subissent une oppression spécifique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Bien sûr. Alors, pour reprendre de manière chronologique, on va voir que pour désigner les personnes non valides au niveau mental, on peut utiliser le terme neuroatypique aussi. Chronologiquement, ça a d'abord été inventé par les personnes autistes, puis la neuroatypie a été élargie au diagnostic 10, entre autres la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie, etc. Et est progressivement en train de s'étendre aux personnes usagères en psychiatrie dans leur totalité. Et la discrimination vécue par ces personnes s'appelle la psychophobie. Quel est le terme qui est utilisé pour désigner le fonctionnement atypique des personnes qui sont neuroatypiques ? Alors en général, on va préférer employer le terme de trouble plutôt que de maladie psychiatrique, puisqu'on ne connaît pas nécessairement l'origine des symptômes. En fait, ce sont plutôt des diagnostics syndromiques qui sont des regroupements de symptômes. D'ailleurs, dans le reste de l'émission, j'utiliserai le terme diagnostic plutôt que trouble, parce qu'en tant que personne concernée, je n'aime pas la connotation péjorative du mot trouble. D'accord. Les diagnostics psychiatriques, est-ce que tu peux nous dire combien de personnes ça concerne à peu près ? Parce qu'on a souvent l'impression qu'on parle d'une minorité de personnes, que ça concerne pas grand monde. Est-ce que tu peux nous donner une réalité des chiffres ? Est-ce que c'est ça, effectivement ? Est-ce que c'est très peu de personnes ou est-ce que c'est bien plus de personnes ? Ben, en fait, c'est énormément de personnes. Je pense que sans le savoir, tous les jours, on côtoie ou bien on est même une personne qui pourrait être usagère de psychiatrie. Mais il y a une grosse part de déni. Donc, c'est très loin d'être une minorité. 25% des personnes dans le monde auront un diagnostic psychiatrique au cours de leur vie. Ça fait une personne sur quatre. Donc, c'est pas du tout une minorité. À l'heure actuelle, 450 millions de personnes dans le monde ont un diagnostic psychiatrique, soit plus que la population des États-Unis réunis. Sachant que c'est 450 millions de personnes, c'est à un moment donné T que donc le nombre de personnes qui ont eu ou auront un diagnostic, bah on monte sur les 25% de la population. Absolument. Donc c'est beaucoup plus important. C'est à ce moment T, ces personnes-là ont ce diagnostic qui peut disparaître plus tard. C'est-à-dire que quand on parle des 450 millions de personnes, c'est comme une photo prise à un instant T, comme tu le dis. Alors que quand on parle des 25% des personnes dans le monde qui auront potentiellement un diagnostic psychiatrique, là, c'est comme une vidéo sur leur vie entière. C'est sur les lignes du temps, quoi. Exactement. Ok. Environ 1% de la population adulte mondiale, donc là, c'est encore une fois une photo, a un diagnostic de schizophrénie, soit deux fois plus que les gens avec un diagnostic d'Alzheimer. Pareil pour le spectre autistique, 1% de la population se trouve potentiellement sur le spectre. Alors qu'étrangement, on a l'impression qu'il y a bien plus de gens qui ont Alzheimer que de personnes qui sont schizophrènes, si je me trompe pas dans l'expression. Oui. Et parce qu'on en parle beaucoup plus, en fait, on met beaucoup plus c'est en avant. C'est beaucoup plus médiatisé. Alors qu'au final, bah, c'est deux fois moins de personnes qui ont Alzheimer que oui. Des personnes qui sont schizophrènes ou qui sont sur le spectre autistique. Absolument. D'accord. Oui. Oui, je pense que d'ailleurs, il y a une part de psychophobie, en fait, dans, dans le traitement médiatique des différents troubles psychiatriques et ou neurologiques. C'est une opinion très personnelle, mais je pense qu'on attribue beaucoup moins de culpabilité dans le fait de développer un Alzheimer que dans le fait de développer une schizophrénie, où là on va vraiment presque en vouloir à la personne d'être malade. D'accord. Oui, malheureusement. Mais on va voir le traitement médiatique et tout un peu après, je crois. Oui, bien sûr. Oui, mais on y reviendra tout à l'heure, en effet. T'as d'autres chiffres à nous donner ? Oui, c'est la dépression. La dépression, qui, je le rappelle, est aussi un diagnostic psychiatrique, constitue la première cause médicale d'incapacité au travail dans le monde. En France, si on prend la vidéo de la vie entière des gens, 20% des gens ont ou auront une dépression, soit une personne sur cinq. Effectivement, c'est énormément de personnes, en fait. C'est vraiment pas une minorité, comme tu disais. Et du coup, forcément, le fait qu'on pense que c'est une minorité alors que c'en est pas du tout, ça doit avoir un impact sur la manière dont la société représente les personnes concernées. Du coup, ma question, ça va être comment la société voit et représente les personnes qui ont un diagnostic psychiatrique ? Alors, malheureusement, la société les présente très mal. Au cinéma, on montre énormément de convulsivothérapie, davantage connue comme les électrochocs, alors que c'est un traitement très peu utilisé. Et on ne compte plus le nombre de rôles de neuroatypiques donnés à des personnes neurotypiques. Ensuite, à la télévision, un exemple qui nous a frappé récemment, c'était Fort Boyard, quand ils ont mis en avant une chambre d'isolement comme challenge, comme s'il s'agissait d'un divertissement de se retrouver en chambre d'isolement. Dans la culture, plein de spectacles donnent à voir une image effrayante des personnes avec un diagnostic psychiatrique. D'ailleurs, j'en ai récemment vu un. C'était la fête de la danse à l'université. Et puis, voilà, il y a eu une danse autour de l'asile des fous. C'était très effrayant. Et les événements comme Halloween, Mardi Gras et Carnaval donnent à voir leur lot de déguisements de fous aussi, alors qu'un diagnostic, ce n'est pas un costume. Et classiquement, dans le langage courant, plein d'insultes et de locutions sont utilisées pour traduire des idées à connotation négative, comme « c'est fou » ou carrément « t'es folle »,« il est complètement schizophrène »,« j'hallucine »,« c'est hallucinant » et tout est quanti. Dans ces images effrayantes, et notamment aussi dans l'exemple que tu nous as donné par rapport à la représentation du spectacle dans ton université où bah, ils présentaient ça de manière effrayante, on retrouve aussi l'idée sous-jacente que les personnes avec un diagnostic psychiatrique sont violentes et dangereuses. Dans les faits, est-ce que c'est pas encore une idée préconçue ? C'est une idée complètement préconçue. En fait, les personnes avec un diagnostic psychiatrique ne sont pas plus dangereuses que les personnes neurotypiques, voire elles le sont moins en fait. Le danger principal que les personnes neuroatypiques présentent, c'est qu'elles peuvent se faire du mal à elles-mêmes. Et moins de 1 meurtre sur 10, par exemple, est commis par une personne à diagnostic psychiatrique. Et je crois que même les personnes neuroatypiques ou les personnes non valides, même généralement, sont plus sujettes aux violences qu'elles n'en commettent elles-mêmes. Absolument, oui. Donc, again, une idée préconçue à battre en brèche, enfin la première grande idée préconçue qu'on présente ici et qu'il faut qu'on vire de nos représentations. Et vu qu'on parlait de la société au sens large, on va centrer un peu plus notre discussion sur l'entourage proche. Donc ça comprend la famille, les amis. Qu'est-ce qu'on entend souvent quand on est une personne avec un diagnostic psychiatrique de la part de nos proches ? Alors, de la part des parents, on voit souvent une responsabilisation de leur part. On va souvent s'entendre dire des choses comme « c'est moi qui t'ai élevé, donc tu ne peux pas avoir tel diagnostic, c'est impossible ». On a aussi les conjoints, les conjointes qui vont se mettre en avant et tenir des discours de type « tu devrais pouvoir tout me dire et je devrais pouvoir régler tous tes problèmes vécus personnellement ». Dans ces deux cas, ça a des conséquences importantes comme un déni des difficultés, un retard dans la prise en charge et finalement une perte de chance pour la personne concernée. Selon l'entourage qu'on a, la religion, peut aussi jouer un rôle important. Quand on peut avoir un entourage très croyant, on peut s'entendre dire « si tu te rapprochais de Dieu, tu irais beaucoup mieux ». Et je pense que c'est une bienveillance très mal placée. On peut aussi entendre dire dans ce cas « ce n'est pas une maladie, mais c'est une bataille entre le bien et le mal qui se joue en toi et toute autre sorte de bêtises ». Autre classique, ce sont les Jeux Olympiques de la souffrance. En résumé, on va donner en exemple une personne qui a vécu quelque chose de terrible et on va mettre en avant le fait que cette personne va bien et donc une personne qui n'a rien vécu de similaire ne peut pas aller mal. Petit rappel, personne ne gagne jamais aux Jeux Olympiques de la souffrance. Oui, effectivement, ça a du sens. Tout ça, je suppose, a un impact sur la manière dont les personnes concernées se perçoivent. Tu confirmes ? Oui, absolument. En fait, ça encourage le déni du genre. Je suis trop forte pour être déprimée. Je suis trop intelligent pour être schizophrène. Ça n'arrive que chez tel type de personne. C'est tout simplement de la psychophobie intériorisée. Et en tant que personne concernée, je peux dire que c'est très compliqué de s'en défaire. Les personnes concernées peuvent souvent forcer un passing d'ailleurs, prétendre être neurotypiques, mais ce qui au final leur fait vivre deux journées de travail en une seule. Et vu qu'on parle de travail, on va même élargir le sujet au fait d'avoir une activité. Tout ça s'articule avec le fait d'avoir une activité pour les personnes concernées qui peuvent avoir une activité et qui en ont une. Parce que parfois, on peut en avoir une, mais du fait de la psychophobie et du validisme en général, on n'arrive pas nécessairement à en avoir une. Donc, quand on est concerné, qu'on a une activité, comment ça s'articule tout ça ? Du côté des employeurs, Ces derniers vont souvent être réticents à adapter les postes et à aménager les horaires, par exemple. Et ça peut rendre la vie des personnes concernées très précaire. Classiquement, la précarité s'exacerbe lorsqu'on est au carrefour de plusieurs oppressions. Du coup, lorsque la personne concernée est dans ce cas, sa précarité va s'exacerber. Est-ce que tu veux bien nous indiquer comment ça s'articule ? Et on peut commencer par exemple avec le sexisme. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est non valide, on a un diagnostic de psychiatrie et on rencontre du sexisme, on est une femme. Qu'est-ce qui se passe ? Alors la relation psychophobie et sexisme date d'il y a très longtemps. En fait, depuis la nuit des temps, la psychophobie alliée au sexisme va se baser sur l'idée que les femmes sont faibles et intrinsèquement mauvaises. Leur sexualité est toujours remise en question. Freud. Merci. Et de ce fait, la description de leur souffrance par les femmes est forcément mal faite ou exagérée. Je me permets de préciser que malheureusement, je ne parle qu'au nom des personnes cisgenres. Oui, puisqu'on a les études qui sont pas nécessairement qui évidentes. Qui sont très cis-centrées. Voilà. Et puis il y a toujours aussi les histoires de passing, je suppose, qui doivent pas... Enfin, le milieu médical n'est pas nécessairement le plus... Il n'est pas toujours le bienveillant envers les personnes, voilà, ouais. Envers les personnes transgenres. Et elles n'appliquent pas toujours le bon genrage aux personnes transgenres selon leur niveau de passing. Ce oui. qui est absolument pas normal. Mais donc, ces deux éléments combinés font effectivement que cette émission parle d'un point de vue cis-centré. Mais ça, c'est du fait des études. On se base sur ce qu'on connaît. Après, on peut supposer, je pense, qu'une personne transgenre, une femme transgenre avec un bon passing se verrait appliquer les mêmes préjugés. Absolument, oui. Oui, absolument. Et donc, par rapport aux femmes cisgenres, encore une fois, on retrouve souvent l'idée de l'hystérie. Alors, l'hystérie, historiquement... Ça a commencé avec Hippocrate et puis Galien. Il y avait l'idée que l'utérus traversait le corps en long, en large et en travers en cas d'abstinence sexuelle et ou en l'absence prolongée d'accouchement. Entre-temps, la société a souvent considéré que les femmes étaient possédées et que c'était l'heure du diable. Et bon, du coup, on sait comment ça a fini avec les chasses aux sorcières. Et à partir du XVIe siècle, donc plus ou moins en parallèle, les théorisations sur la sexualité féminine sont revenues au goût du jour. Donc on a retrouvé les notions de faiblesse de la femme face aux passions, c'est-à-dire qu'elles avaient trop ou pas assez d'activité sexuelle, et c'est ce qui les rendait malades. Et on se doute que Freud s'est bien inspiré de toutes ces idées. Vu qu'on parle d'activité sexuelle, qu'est-ce qui se passe, comment la psychophobie s'articule avec le fait de ne pas être hétéro, donc avec l'homophobie, et même je vais élargir la question plus largement à l'ensemble de la communauté queer. Qu'en est-il pour les personnes queer? Et petit rappel, le terme queer, c'est un terme parapluie qui permet de désigner l'ensemble des personnes LGBTI+. Autre terme qui est utilisé, mais qui est encore restreint dans son utilisation, c'est mogaï. Mais on peut utiliser le terme queer assez largement. Aux États-Unis, en Angleterre, c'était vu comme une insulte, ça s'est réapproprié par la communauté. En France, il n'y a jamais eu vraiment ce côté péjoratif à l'emploi du terme queer. Donc on peut l'utiliser assez librement, même si c'est toujours mieux que ça soit validé par les personnes concernées. Je suis personne concernée, donc je me permets sans problème d'utiliser le terme queer. Du coup, revenons à nos moutons. Être queer et avoir un diagnostic psychiatrique, ça se passe comment? Ça se passe comment? Alors là, je vais surtout me baser sur le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qu'on abrévie en DSM. Le DSM a longtemps contenu des critères diagnostiques pour le trouble des préférences sexuelles et garde encore le diagnostic de trouble de l'identité sexuelle. En d'autres termes, l'homosexualité et la transidentité sont psychiatrisées et considérées comme des maladies mentales, alors que ce n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, il y a aussi une autre classification qui, elle, est tenue par l'OMS et qui concerne pas seulement les troubles mentaux, mais aussi les maladies physiques, où on a vu les mêmes problèmes de psychiatrisation et d'altérisation, enfin d'anormalisation des différentes identités et des différentes orientations sexuelles. D'accord. Vu qu'on parle du DSM notamment, et vous allez comprendre pourquoi je réinsiste dessus, comment le racisme s'articule avec la psychophobie? Alors, il y a plusieurs points qui concernent l'articulation racisme et psychophobie. Premièrement, les critères diagnostiques, que ce soit dans le DSM ou dans le registre de l'OMS, sont standardisés par rapport à des populations blanches. Par ailleurs, les outils tels que le DSM ont été utilisés pour enfermer les populations racisées, par exemple aux États-Unis, après une nouvelle édition du DSM à la fin des années 60, suite au mouvement pour les droits civiques, il y a une explosion du nombre d'hommes noirs diagnostiqués schizophrènes. Et en même temps, un nombre très important de personnes schizophrènes ont été rediagnostiquées avec des troubles dépressifs. De nos jours, il y a quelque temps, certains élus français ont suggéré que les psychiatres devraient pouvoir repérer la radicalisation. Et vous prendrez bien un peu d'islamophobie pour rajouter sur le dessert. Merci, très cher. On n'a pas encore eu l'occasion de parler de classisme au sein du TF Podcast. Donc le classisme, qu'est-ce que c'est? C'est la discrimination des personnes prolétaires, des personnes également et surtout précaires économiquement parlant. Comment la précarité économique s'articule avec la psychophobie? Les personnes économiquement précaires vont souvent avoir un accès difficile aux soins, puis vont se voir reprocher de ne pas se soigner. Il y a des structures publiques de soins, c'est vrai, mais elles ne proposent pas toutes des psychothérapies individuelles comme le font les praticiens libéraux. Un souci, c'est que les praticiens libéraux demandent souvent des dépassements d'honoraires. Donc ça fait un petit peu raisonnement tautologique. Les personnes économiquement précaires ne peuvent pas se permettre forcément les dépassements d'honoraires. D'accord. Et pour information, un tiers des personnes SDF en Île-de-France ont un diagnostic psychiatrique. Et les personnes avec un diagnostic psychiatrique ont par ailleurs plus de risques de perdre leur emploi, leur logement, et donc de se retrouver à la rue. Oui, c'est ce qu'on voyait plus tôt. Les employeurs n'acceptent pas nécessairement de procéder aux aménagements nécessaires pour l'emploi. Et forcément, quand on est dans un emploi qui ne nous est pas adapté, c'est compliqué de le conserver. Oui. Mais qui dit pas d'emploi, pas de revenus. Pas de revenus, c'est compliqué de conserver un logement et c'est une spirale infernale qui débute. Et ça explique pourquoi on a autant de personnes avec un diagnostic psychiatrique qui se retrouvent à la rue. Est-ce que tu veux bien nous dire un mot sur l'intersection entre psychophobie et agisme? On va juste avant ça faire un petit point définition sur ce que c'est l'agisme. C'est la discrimination faite à l'égard des enfants ou des personnes âgées. Donc c'est toutes les personnes qui ne sont pas entre, mettons, 18 ans et 50 ans, une cinquantaine d'années, allez, on va dire jusqu'à 60 ans. Donc enfants, adolescents, donc toutes les personnes mineures, et toutes les personnes âgées. Et là, on va parler notamment psychophobie pour les personnes âgées. Dans le cas des personnes âgées, les proches vont avoir tendance à nier les dépressions en mettant en avant que puisque la personne âgée voit ses proches décédés, c'est normal qu'elle soit triste. Et les dépressions chez les personnes âgées sont moins souvent diagnostiquées et moins bien soignées. Il y a une autre raison à ça. C'est que, en fait, je ne l'ai pas encore dit, c'est que bien que le DSM soit standardisé sur des populations blanches, elle est aussi standardisée sur des populations, entre guillemets, jeunes, donc qui ont entre 18 et 50, 60 ans, comme tu l'as dit. Oui, donc ça pose des problèmes parce que les symptômes ne s'expriment pas nécessairement de la même manière. Oui, c'est vrai. Selon l'âge. Oui. C'est aussi le cas selon le genre. Oui. Puisque, par exemple, notamment, l'autisme a été longtemps considéré comme étant propre aux garçons, aux hommes. Et donc, il y a un grand déficit de diagnostic chez les filles. Mmh. Et on commence à se rendre compte qu'en fait, il y a peut-être une équivalence chez les deux genres reconnus en France, en termes de diagnostic pour l'autisme fille-garçon. Mmh. C'est juste que les symptômes ne s'expriment pas de la même façon. Et surtout, les petites filles apprennent à compenser beaucoup plus rapidement que les garçons. On les force à savoir compenser. Et oui, c'est la socialisation, en fait, qui les y rend soumises. Exactement. Et je crois que tu avais aussi un exemple dans le sens inverse, où les hommes étaient moins bien diagnostiqués que les femmes. Absolument. En fait, pendant longtemps, on a cru que la dépression était l'apanage des femmes. Mais en ce moment, dans la communauté scientifique, il y a des gens qui commencent à se poser des questions dans le sens de est-ce qu'il n'y a pas autant de dépression chez les hommes que chez les femmes et que tout simplement, ça s'exprime de manière différente ou qu'au contraire, un des deux genres a un recours facilité ou moins compliqué en tout cas à des soins psychiatriques. Parce qu'on considère que les femmes sont plus faibles et donc les hommes sont forts, donc ils ne peuvent pas avoir ce genre de problème. Absolument. Donc c'est encore un biais sexiste qui joue dans le diagnostic des gens. Oui, et en fait dans la dépression elle-même, il y a des éléments de culpabilité et de honte, mais qui peuvent être exacerbés chez les hommes qui ont du coup honte de ne pas être à la hauteur de leur genre. Oui, double peine à ce niveau-là, oui. Puisque si un homme ne se conforme pas à ce qu'on attend de lui, bah, c'est pas vraiment un homme et tout ça. Alors que les femmes, de toute façon, peu importe ce qu'on fait, on est toujours en tort. Donc, on est toujours faible. Voilà. On est toujours faible, donc quitte à être en tort, autant gérer le problème. Du coup, maintenant qu'on a dit tout ça, on a fait un peu l'état des lieux général, assez basique, mais qui permet de poser les bases. Du coup, après tout ça, qu'est-ce qu'on ne veut plus entendre ? Alors, la base, c'est de ne plus jamais dire que c'est dans la tête. Newsflash, le cerveau se trouve dans la tête. La tête est une partie du corps. Le cerveau fait donc partie du corps. Et je le dis de manière... Je vois que tu me regardes bizarrement, Laura. J'aime beaucoup la manière dont tu le présentes, en fait. Ben, c'est-à-dire que régulièrement, on va se représenter les maladies neurologiques comme étant dans la tête parce que c'est dans le cerveau et que la psychiatrie, c'est une sorte d'esprit qui flotte au-dessus. On ne se représente pas assez bien que les maladies psychiques, enfin les troubles psychiques, sont dans le cerveau aussi. Oui, parce que c'est parfois, pas tout le temps, mais... des fonctionnements d'un... C'est quoi, c'est un trouble chimique, c'est ça dans... Il y a l'hypothèse des troubles chimiques, il y a aussi les hypothèses aussi de neurotransmission plus largement et de connexion entre les différentes zones du cerveau. Qui sont perturbées. Qui peuvent être perturbées ou en tout cas pas formées de manière typique ou dans la norme par rapport à la majorité des gens. Est-ce que les connexions peuvent sauter et se reconstruire ? Est-ce qu'elles peuvent disparaître ? Oui, en fait, le cerveau est quelque chose de tout à fait plastique, dans un sens ou dans l'autre. Donc ça peut se détruire comme ça peut se reconstruire. Oui, absolument. À n'importe quel moment de la vie, en fait. Oui. Ok. Oui. Donc ça, c'est le petit point. C'est dans la tête, effectivement, mais c'est réel. Bah, c'est réel c'est parce que la tête est dans le corps et donc le cerveau fait partie du corps. Donc les maladies mentales sont à prendre aussi sérieusement que les maladies physiques. Deuxième point très important, surtout si vous n'êtes pas concerné et surtout encore plus si vous n'êtes pas un aidant d'une personne concernée, vous ne faites pas de commentaires sur la prise ou la non-prise de médicaments par les personnes concernées. Pour information, la plupart des médicaments ne rendent pas accro en psychiatrie. Au contraire, ils sont là pour faciliter la vie des personnes concernées. Donc, pas de pill-shaming, pas de culpabilisation des personnes concernées qui veulent se médiquer. À l'inverse, on ne fait pas non plus de pill-forcing en pensant qu'il suffit de prendre des médicaments pour aller mieux. Le fait d'aller mieux, c'est un effort multifactoriel qui inclut également et notamment la psychothérapie. Ensuite, les traitements spéciaux dont peuvent jouir les personnes avec un diagnostic psychiatrique, comme par exemple les tiers-temps aux examens, ne sont pas des privilèges. Au contraire, ils sont là pour compenser un handicap et les personnes neurotypiques ne sont pas discriminées par ces pratiques. Il y a certaines expressions à bannir aussi du langage si vous n'êtes pas concerné, comme on l'a dit tout à l'heure, j'hallucine, c'est fou. On n'utilise pas non plus les termes schizo, schizophrène, borderline, border, autiste comme insulte. À la place, vous pouvez utiliser la richesse du langage français comme je n'en crois pas mes yeux, c'est incroyable, c'est terrible, c'est spectaculaire. C'est aberrant. En plus, vous gagnerez en précision dans vos propos. C'est tout bénef. Yay. On évite aussi de dire qu'on est tous un peu... parce que ce n'est pas la même chose d'avoir... Qu'on est tous un peu autistes, qu'on est tous un peu schizo parfois. Oui, on est tous un peu tarés aussi. Ouais. Mais bon, ça, voilà, ça revient sur le point d'avant aussi. Ce n'est pas du tout la même chose d'avoir certaines caractéristiques et d'avoir un diagnostic psychiatrique. Et la dernière, c'est qu'on n'utilise pas la théorie des cuillères pour son propre compte lorsqu'on est valide. Ça ne veut pas dire que les personnes valides ne peuvent pas être fatiguées, c'est juste que la théorie des cuillères ne les concerne pas. Et est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est la théorie des cuillères, justement ? Oui, bien sûr. Alors, la théorie des cuillères, ça sert à expliquer que les personnes non valides ont une quantité d'énergie limitée, que ce soit par jour, par semaine ou par mois. En fait, pour résumer, une personne non valide va disposer d'un certain nombre de cuillères par jour, quand elle se réveille. Et chaque tâche à réaliser utilise un certain nombre de cuillères. Alors ça dépend des gens, ça dépend des jours, mais certains jours, on aura l'impression d'en avoir strictement aucune, et d'autres que le stock est inépuisable. Ça permet aux personnes non valides de mieux comprendre leur fonctionnement et d'accepter plus facilement que certains jours, elles ne peuvent pas faire grand-chose d'autre que se nourrir. L'exemple, ça va être... mettons un jour où c'est vraiment la galère, on se réveille avec 5 cuillères. Et on n'en a strictement aucune de plus. Et c'est tout, c'est le stock pour la journée. On va utiliser... En fait, cuillère, c'est une unité d'énergie à dépenser dans la journée. Mmh. On va utiliser une cuillère pour se lever, une cuillère pour se préparer, une cuillère pour aller au travail, surtout si on doit prendre les transports en commun. Une fois arrivé au travail, on va devoir utiliser quelques cuillères pour mener à bien les différentes tâches. Et puis ça y est, il n'y a plus de cuillère. Mais il faut quand même rentrer à la maison, il faut quand même faire la lessive, le ménage, la vaisselle, il faut se laver, il faut se préparer à manger, il faut se mettre en pyjama, aller au lit. Mais il n'y a pas de cuillère, donc c'est impossible. Donc des fois, il y a juste des jours où les personnes vont rentrer claquées et se mettre directement au lit. Une autre métaphore, ça va être les points de mana pour la communauté geek. Moi, j'aime beaucoup cette métaphore aussi, c'est-à-dire que les actions qu'on doit mener dans une journée correspondent à des sorts qu'on va jeter avec des points de mana. Et je vous laisse compléter la suite tout seul chez vous à la maison. Alors que les personnes valides, elles, ont un stock illimité de cuillères tous les jours, donc c'est pour ça que cette théorie ne peut pas s'appliquer à elles. Enfin, elles n'ont pas une quantité limitée d'énergie, et c'est pour ça que cette théorie ne peut pas s'appliquer à elles. Je crois également que lorsqu'on dépasse le stock de cuillères, cette fatigue se répercute sur les autres jours et empêche, donc on va mal dormir. Et donc forcément, ça va empêcher la récupération complète du nombre de cuillères. Et donc on va souvent commencer la journée suivante avec un stock moindre que ce qu'on aurait eu une journée classique. Oui. C'est-à-dire que, mettons, notre moyenne, c'est 15 cuillères. Mais si la veille, on avait eu que 5 cuillères et qu'on a dépassé notre stock, bah, on va se retrouver avec 7 cuillères seulement pour le reste de la journée. Donc ce qui va impacter de nouveau notre journée, si je dis pas de bêtises. Non, non, tout à fait. C'est un peu une sorte de spirale infernale dès qu'on touche à l'équilibre précaire de son niveau d'énergie. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de stock de cuillères illimité pour les personnes valides. Encore une fois, ça ne veut pas du tout dire que les personnes valides ne sont jamais fatiguées. Mais c'est une manière que les personnes non valides ont de se réapproprier leur vécu et de mieux expliquer pourquoi elles n'arrivent pas à tout faire tout le temps. D'accord, c'est bon à savoir. Du coup, pour les personnes qui veulent être de bonnes alliées, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles peuvent s'informer auprès des personnes concernées. Ça peut être de manière directe si la personne concernée est d'accord et qu'elle a assez de cuillères. Toujours respecter le consentement. Voilà. Ça peut être de manière indirecte. Il y a pléthore de sources. Il y a des youtubeurs, des youtubeuses qui font très bien en parlant de leur vécu. Il y a aussi des blogs, il y a des podcasts, clin d'œil, qu'on peut suivre. Il y a aussi pas mal de pages sur les réseaux sociaux qui parlent du vécu des personnes non valides. On mettra les sources dans la description du podcast, comme ça vous pourrez vous inspirer, avoir des idées, mieux comprendre et tout ça. Les personnes qui veulent être de bonnes alliées peuvent encourager les personnes avec un diagnostic psychiatrique à prendre soin d'elles de la manière dont elles l'entendent. Encore une fois, pas de pill shaming, pas de pill forcing, on essaye de ne pas verser dans la psychophobie ordinaire. Enfin, elles écoutent les expériences des personnes concernées et ne donnent leur avis que si on le leur demande. En d'autres termes, on se tait, on écoute et on apprend. Donc ça fait beaucoup de choses à assimiler. Je crois qu'on a couvert un bon ensemble de bases. Du coup, merci Sarah pour toutes ces explications très instructives, très calmes, très patientes. Je pense qu'on a appris plein de choses et qu'on saura comment être de meilleurs... meilleurs alliés, meilleurs aidants pour les personnes qui côtoient des personnes concernées. Donc, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. C'était vraiment un plaisir de partager tout ça avec toi, Laura. Également. Nous espérons que cette troisième émission du TF Podcast vous a plu. Vous nous retrouvez évidemment sur iTunes Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud et les autres. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous écouter en général. Comme toujours, nos sources sont dans la description de l'émission. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à liker nos pages. Nos comptes sont en bas de la description. Mettez-nous des bonnes notes, des bonnes étoiles sur iTunes Podcast si vous suivez sur iTunes Podcast. Voilà. Et si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à liker et partager nos comptes, les podcasts et tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt, à la prochaine émission. Merci de nous avoir écoutés. C'était le TF Podcast, le podcast du thé féministe. On se retrouve le mois prochain.